Littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science. On parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Arrêtez de toucher les boutons, les filles. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Vous êtes bien dans Rien à voir quoique en direct sur Campus FM et en streaming sur www.campusfm.net. Nous sommes le jeudi 15 février. Il est 18h. Ce soir, une émission sans invité. Au programme, des chroniques, un reportage et de la musique avec le coup de cœur musical d'Edgar, qui ne sera pas avec nous ce soir. L'humeur de Lou. Salut Lou, ça va? Oui, ça va Anna. Mélina, en stage à la rédaction, a fait un tour dans deux cinémas. Le cinéma 113 à Castanet-Tolosan et American Cosmographe, que vous connaissez bien, dans le centre de Toulouse, pour tenter de savoir comment les cinémas indépendants peuvent survivre face aux multiplex et aux géants de streaming et de la vidéo à la demande. Bonsoir Mélina. Bonsoir Anna. Et puis enfin, c'est le grand retour de Hugues dans l'émission avec une chronique musicale sur le groupe Todart, un groupe originaire du plateau syrien du Golan qui fusionne la musique touareg, la musique arabe classique et des grooves reggae. François est à la réalisation technique de l'émission. Merci François, on est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique en direct sur le 94 FM à Toulouse. On l'aime, ce morceau de Clara Motto. Alors, Edgar n'est pas là ce soir, je le disais, mais il nous a préparé une longue chronique sur le groupe Batuk, un quatuor électro d'Afrique du Sud. On écoute tout de suite. Alors, c'est à Johannesburg que nous nous rendons une fois de plus. Il faut dire aussi que j'apprécie tout particulièrement les productions musicales sud-africaines. Mais cette fois, c'est sur un thème quand même plus joyeux que la mort du grand Hugues Masekela. Non, aujourd'hui, l'heure est aux réjouissances, en tout cas aux miennes, parce qu'un groupe que j'affectionne beaucoup prépare la sortie d'un album très prochainement. Et ce groupe, c'est Batuk. Alors, Batuk. Pour commencer, c'est un peu un ovni musical. J'arrive pas à les comparer à qui que ce soit, et c'est justement ça qui est intéressant. Mais le truc, c'est que même au niveau du style musical, ils sont quand même assez complexes à définir. Et pour ça, il faut faire une petite description des tendances musicales, si je puis dire, sud-africaines. Alors l'un des styles majeurs en Afrique du Sud, c'est la house. Mais alors attention, c'est pas la house qu'on peut retrouver en Europe ou aux États-Unis, c'est une house très particulière. Une house qui a sa propre touche sud-africaine, notamment à travers l'ajout de sonorités traditionnelles, on va dire, de la musique zoulou ou de la musique soto. Mais elle emprunte aussi quelques codes au hip-hop puisqu'on retrouvera régulièrement des parties rappées avec un côté parfois engagé, et il y a une grande importance de la danse. Mais vous me direz, c'est pas de la house ton truc. Et c'est là qu'est la spécificité de cette musique, c'est cette hybridation qui donne ce qu'on appelle le kwaito. Musique typiquement sud-africaine qui apparaît début des années 90, c'est-à-dire à la fin de l'apartheid, et qui subit pas mal de variations au fil des ans. Bon, je vous passe les détails, mais entre Johannesburg, Cape Town, Durban, Soweto ou Pretoria, chaque ville a vraiment son propre style. Pourtant, Batuk, c'est pas seulement du kwaito. Non, non, les influences, elles sont beaucoup plus nombreuses. Alors ne cherchons pas plus loin, Batuk, c'est du Batuk, point. Et pour se rendre un peu compte de ce que c'est, autant s'écouter un court extrait de leur chanson phare, celle qui a connu le plus de succès, Call Me Naughty. I like to party, call me naughty. I like to À l'instant, c'était le morceau Call Me Naughty du groupe Batouk. Et pour parler un peu de la composition du groupe, avant c'était un trio, mais l'un des deux producteurs, Aero Magnello, n'est visiblement plus dans le projet. C'est dommage, mais il en reste encore un, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un des DJ sud-africains les plus influents, le grand Spock Mathembo. Alors on compte plus le nombre de projets qu'il a lancés, qu'il rappe, qu'il mixe, que ce soit en solo, avec d'autres artistes ou des formations, je pense notamment à Fantasma. Il a aussi réalisé un documentaire sur justement le développement de cette électro sud-africaine, un documentaire que je conseille fortement et qu'on retrouve très facilement sur internet, qui s'appelle Future Sound of Mzansi. La troisième et dernière membre, c'est Montega, aka Carla Fonseca. La seule qui n'est pas DJ, elle s'occupe du chant, mais surtout, elle se charge de donner une de ses pêches. Elle a dû être chauffeuse de salle dans une autre vie, c'est pas possible autrement. Et si vous avez l'occasion de les voir en concert, préparez-vous parce que ça bouge. Comme je le disais, c'est un style musical où la danse, elle a une place considérable. Mais quand en plus c'est Montega qui vous pousse à vous lâcher, bah ça y va. Originaire du Mozambique, une grande partie des paroles sont chantées en portugais, ce pays d'Afrique de l'Est ayant été colonisé par le Portugal. Leur premier album, Musica da Terra, sorti il y a 2 ans, avait la particularité d'appeler à la fête comme à la protestation, lutter tout en dansant avec une grande visée panafricaine. Mais au-delà de ça, il y a une grande volonté d'internationaliser leur vision, leur style, pas seulement se restreindre à l'Afrique. Et ça a bien marché puisqu'ils ont connu un relatif succès en Europe, et particulièrement en France où il y a eu un véritable engouement. Un premier album qui était très novateur et c'est pour ça que la barre est placée assez haute pour celui qui arrive. L'album est nommé Casey Royalty et il arrive en mai. Bon, c'est dans longtemps, c'est vrai, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est que ce matin même, en ce 15 février, est sorti leur premier single. Accompagné d'un clip particulièrement bien réalisé, le morceau traite des townships où ils ont vécu, en l'occurrence à Maputo et à Johannesburg. Il traduit bien la volonté de Batouk de faire un album plus urbain que le premier. Alors autant écouter ce morceau, le morceau s'appelle This Move. La cara. vela, Katrina loca. Dentro me ama, me chama nunca. Bata coração, anda aqui, me toca. Não me deixa ficar maluca. Eu te dei minha vida foda. Enquanto disse, eu só faço toda. Meu reu, meu clô, chora. Sou para ti, teu senhora. On my knees, put the dub in my hand. Words quivering like I'm blues in the band. So good, let's get back like we planned. No like, after like in a quicksand. Circle smoke, hit the truck, baby. Realize the fact at the age of three. I want you, fuck it, he said she. No point in loving if it's damn lazy. Merci Edgar, on te retrouve la semaine prochaine, j'espère. On écoutait donc le morceau, le tout nouveau single Move par le groupe Batuc qui est sorti aujourd'hui. Vous pouvez suivre les actualités de Batuc sur les réseaux sociaux habituels en tapant Batuc Music, musique avec un C à la fin à l'anglaise, en attendant la sortie de leur album Cassie Royalty en mai prochain et plus proche de nous, la sortie de leur tout nouveau prochain EP. C'est la semaine prochaine, le 23 février, très précisément. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et il est temps à présent de retrouver l'humeur de Lou. Lou, de bonne humeur, de mauvaise humeur. Ça dépend un peu des deux aujourd'hui. Alors moi, je voudrais vous parler de la Saint-Valentin, du coup. Ouais, pardon, hein, j'étais un peu obligée. Donc c'était hier, la fête des amoureux, ce jour si particulier où quand tu es célibataire et que tu as 15 ans, ta vie est fade et sans intérêt aucun, qu'on se le dise, et quand malgré ton acné, ton manque évident de goût vestimentaire et ta rebelle attitude, tu es arrivé à être en couple, hein, le but ultime de tout adolescent, tu vas pouvoir fêter la Saint-Valentin, wouhou ! Bon alors moi, je voudrais vous dire que ça m'angoisse beaucoup, la Saint-Valentin, c'est pas que j'aime pas particulièrement ça, c'est pas non plus que je m'en fous, hein, c'est simplement que ça dépasse un peu mon entendement. Enfin, je veux dire, c'est super bizarre quand même ce truc-là, de se dire que quand on est amoureux de quelqu'un, on va lui montrer à fond, genre un truc de fou, restaurant, champagne, nuit de folie, etc. Mais attention, faut pas déconner, un seul jour dans l'année, on fait ça, le 10 jours de la Saint-Valentin. Absolument vrai. Moi, j'ai un ex qui m'a dit un jour, mais oui, mais le reste de l'année, on n'a pas le temps de prendre soin de l'autre, alors c'est bien qu'il y ait un jour où on puisse le faire. Bon, là, j'ai compris qu'il fallait que je coure très, très, très vite. Bref, le truc qui me gêne, en fait, c'est qu'on dirait que les gens, ils sont contents de montrer aux autres gens qu'ils ont une autre personne avec eux, comme si, en fait, ben, si t'étais seule, t'avais un peu raté ta vie, quoi. Mais moi, quand je les vois, les gens tout fiers de nous montrer qu'ils sont deux, j'ai juste envie de leur dire, mais t'inquiète pas, tu t'en sortirais très, très bien tout seul aussi. Puis ça me fait un peu penser à mon grand-père. Tout le temps, il me dit, et toi, t'as un petit copain? Bon, mais papy, hein, encore. Moi, je me sens mal à chaque fois. J'ai envie de lui dire que partager ma vie avec un autre animal comme moi, ben, c'est pas vraiment mon projet de vie. Et que déjà, vivre avec moi-même, c'est très, très compliqué. Alors, je lui réponds toujours un peu gêné, genre quoi, ben, papy, tu sais, c'est un peu compliqué, quoi. Puis pour clore la conversation, je lui dis qu'il fait moche ici en ce moment parce que, à part ma vie sentimentale et savoir si je vais enfanter dans les prochaines années à venir, l'autre sujet qui passionne mon grand-père, en fait, comme tous les grands-pères de la Terre, c'est de savoir s'il fait beau ou non. Moi, quand je pense au couple, je pense un peu à Fabrice Lucchini qui a dit cette chose merveilleuse. Non, parce que se structure dans le couple beaucoup, beaucoup de souffrance, mais qui est structurante. C'est immense le problème du couple. Le couple, dans le mauvais côté, c'est pour se fuir soi. C'est-à-dire l'individu totalement incomplet cherche dans l'autre la complétude. C'est-à-dire qu'en gros, un couple, c'est deux individus pas finis qui inventent un troisième individu qu'est le couple. Alors ils savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu'un parce qu'ils sont le couple. Donc c'est 1 plus 1 qui fait un 3. C'est le 3, c'est eux, eux deux. Bah alors moi déjà je suis un peu perdue parce qu'à l'école on m'a appris que 1 plus 1 ça faisait 2, mais Jean-Claude Van Damme il a dit que 1 plus 1 ça faisait 11 et Lucchini il dit que ça fait 3. Là je vous avoue que j'ai jamais été très forte en mathématiques, mais il y en a au moins 2 sur 3 qui savent pas très bien compter là. Enfin, à part ce problème d'algèbre, vous voyez bien que c'est super angoissant. Moi, Lucchini, quand il parle du couple, j'ai envie de creuser ma propre tombe sentimentale, de faire le deuil quoi. Tant pis pour l'amour, je réussirai peut-être d'autres trucs, je sais pas, le Scrabble, les quiches, m'occuper de mon chat. Et je voudrais bien qu'on fiche la paix avec ma vie sentimentale inexistante. Je veux dire, la Saint-Valentin en fait, ça me gonfle, parce que tout te rappelle autour de toi que c'est le jour de l'amour. Exemple, Facebook, hier, je me lève, je clique sur ma page et je vois une vidéo avec des cœurs partout. Et là, je dis que Facebook me souhaite à moi une bonne Saint-Valentin. Je veux dire, ma journée commence déjà très, très, très mal. Et puis, je lis un commentaire d'une copine qui écrit « La Saint-Valentin, c'est juste pour rappeler aux célibataires qu'ils sont célibataires. » Et je me suis dit qu'elle avait pas dû se creuser longtemps pour écrire cette phrase un peu too much. C'est vrai, elle aurait pu écrire à la suite. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et ça aurait fait une bonne parodie, quoi. En fait, C'est peut-être ça qui me gêne le jour de la Saint-Valentin et dans les couples en général, c'est que c'est vraiment too much, quoi. C'est pas juste que j'ai un rapport trop bizarre au couple, enfin, peut-être que si. On s'en fout pas, vous. Raconte. Voilà. En fait, bon, je vous le dis, ça m'a toujours beaucoup dérangé les couples qui s'embrassent dans le bus ou je sais pas où. Enfin, je veux dire un peu de pudeur, quoi. C'est beau un couple qui s'aime mais qui se le dit pas tous les quatre matins. C'est beau un couple qui laisse le doute planer, genre, bah oui, on s'appartiendra jamais, on n'est pas la propriété intellectuelle et physique de l'autre. C'est beau un couple qui suggère au lieu de montrer et qui n'a pas besoin du regard des gens pour exister. En fait, j'aime trop les relations amoureuses, quoi. C'est vrai que c'est passionnant. C'est pas pour rien que ça a toujours été un sujet d'inspiration pour de grands artistes ou bien même pour les scientifiques qui se sont emmerdés à créer des algorithmes pour que tu trouves ta moitié sur Tinder. Je me dis quand même, bon allez, peut-être que je passe un côté d'un truc. Attendez, bon vas-y, je vais essayer. L'amour, on sait jamais. S'il faut, c'est un truc bien. Bon, pour la Saint-Valentin, par contre, faut pas abuser. C'est qu'une fête de nul pour les gens nuls. Sur Tinder, on trouve pas sa moitié. C'est vrai, mythique peut-être. Il y a des sites plus sérieux que Tinder, je sais. En tout cas, moi, je fête bonne fête à tous les Valentins. On oublie. Voilà. Et j'en connais pas mal et je les ai un petit peu oubliés hier. Merci Lou. On se retrouve dans quelques instants. Le temps d'écouter un morceau de Len Parrott. Le morceau s'appelle In a Place. Ça veut dire lieu intérieur. C'était le morceau In a Place par Len Parrott, le projet solo du Nantais Romain Lallemand, sorti sur son premier album, And Then He, sorti donc en novembre 2017. Des secrets de Titus et le dépositaire. Oh putain, c'est en vert. On parle de toutes les cultures, de rien à voir quoique. Sois affreux ces costumes. Sur Campus FM, 94 FM. Mélina, tu t'es intéressée aux salles indépendantes à Toulouse, enfin deux salles de cinéma. Et oui, Anna, Manon, Anthony et moi-même, on est partis à la rencontre des cinémas d'art et essai toulousains et ils en ont des choses à dire. On écoute tout de suite. Un petit bout de l'équipe Campus FM est parti à la rencontre des cinémas toulousains classés art et essai. Comment survivent-ils face à la concurrence, mais aussi face à Internet? C'est à Castanet-Tolosan que nous avons fait la connaissance du ciné 113, rattaché à la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Castanet. Un cinéma chargé en histoire. C'est une ancienne chapelle, oui. Et le son est bon. Regardez, ouais. Si vous regardez, vous voyez à peu près là, ouais. Il devait y avoir l'hôtel un peu plus loin. Le corbillard, tout poussiéreux. Voilà. Et voilà, il est parti. On l'a remplacé, oui. Le corbillard. C'est un ancien hôpital psychiatrique. Ah, c'était la chapelle de l'hôpital. Voilà. Le cinéma a été créé il y a plus de 30 ans par des bénévoles. C'est M. Bonan qui l'avait créé. Il existe, on va dire, grâce à des bénévoles surtout, puisque les salariés sont venus petit à petit. Quand on a eu un peu plus d'entrée ou quoi que ce soit, on a pu prendre des salariés. Moi, ça fait 26 ans que je suis ici et que je m'en occupe. Et on m'a mis responsable au cinéma depuis peu. Et donc, on essaye de le faire tourner, malgré le Gaumont à côté, par des tarifs préférentiels, 4 euros pour nos adhérents, 5 euros pour les seniors et 6 euros le tarif plein, qui est correct par rapport à d'autres tarifs pratiqués autour de nous. Le cinéma fait partie de la MJC de Castanet. Il n'a pas une entité à part. Donc, il survit grâce aussi à la MJC. Les subventions qu'il a, c'est ARC, qu'on est labellisé ARC. Le Sicoval parle l'aide de l'Étoile de l'Hers, puisque nous sommes une entente avec Ramonville et Oziel. Donc, on touche ces subventions-là et après, on n'en a pas d'autres. Le CNC, qu'est-ce qu'il nous donne? Des subventions, il nous reverse, si vous voulez. Ce que je vais vous expliquer, c'est que sur un prix d'un ticket, nous reversons une taxe au CNC. Cette taxe, on s'en resserre pour après investir, changer du matériel ou quoi que ce soit. Mais il nous donne pas une subvention par an pour vivre. Et notre salle, c'est vraiment une salle de cinéma. 48 strapontins, elle les connaît comme sa main. Tout est passé au numérique ici. Les installations métalliques des 35 mm prennent la poussière et laissent place aux clés USB. On voulait pas, hein. La numérisation, on a été obligé parce que sinon, il y avait plus de 35 mm. Donc les films ne sortaient plus, donc soit on faisait qu'un cinéma vraiment qu'art essai, parce que les films en 35 sont plus art essai, on va dire, mais on ne pouvait pas. On avait essayé il y a quelques années d'être qu'art essai, on avait perdu beaucoup de monde. C'est pas facile de se débarrasser de ses peurs. Là, par exemple, j'ai très peur. Alors ça se voit pas parce que je souris, hein, parce que je veux pas que ma peau fasse des plis, mais j'ai très très peur. En plein centre-ville de Toulouse, non loin du Gaumont et de l'UGC Jean Jaurès, vous trouverez l'américaine cosmographe à la devanture atypique que vous ne pouvez pas rater. American Cosmographe, on est là depuis le 15 juin 2016, donc ça fait pas très longtemps. C'était ici Utopia pendant 20 ans et le cinéma était en vente. Et on est deux anciens salariés d'Utopia à avoir décidé de le racheter. Le but étant que ça continue le plus possible à faire le même travail que faisait Utopia, cinéma art essai indépendant, des films choisis par nous-mêmes, beaucoup d'animations, de soirées débats, de discussions. On n'est pas subventionné, on est indépendant. Après, il y a quand même dans le cinéma le CNC qui fait un système de redistribution, qui est plus de la prime au mérite que de la subvention. Donc nous, on touche la prime art essai, qui est à la fin de l'année, quand on a justifié de notre travail. Comme on fait 97% d'arrêt essai, on en reverse un montant. Et là, pour la première année, on a eu une aide à la programmation difficile pour une ville à forte concurrence. Ce qui représente les deux 70 000 euros par an. Ce qui est quand même pas rien. Après, nous, on essaye d'être relativement abordable. Mais voilà, c'est quand même une somme. Après, c'est comme pour tout. Il faut que le cinéma tourne. Voilà, nous, on a décidé de pas faire de publicité parce qu'on trouve que ça gâche la vision d'un film de se taper 20 minutes de pub avant. On a décidé de pas vendre de pop-corn parce que on n'est pas obligé de manger pendant qu'on regarde un truc au cinéma. Donc nous on a décidé tout ça, mais c'est quand même 7 euros, tout le monde n'a pas à les mettre. Donc nous on essaye d'avoir un prix juste, qui vraiment avec en plus on a rajouté des séances à 4 euros tous les jours et le mercredi toute la journée, qui pour l'instant dans notre première année d'exercice fait qu'on est encore fragile comptablement. Donc voilà, on pourrait pas faire moins quoi. Mais on comprend que pour certaines personnes ça peut être compliqué de sortir 7 euros toutes les semaines s'ils veulent venir au cinéma toutes les semaines, mais on peut pas faire moins et on veut pas non plus catégoriser. Voilà, demander aux gens qu'est-ce qu'ils font de leur vie, est-ce que t'es au chômage, est-ce que t'es étudiant, voilà, on fait des séances moins chères, accessibles pour tout le monde, des séances au tarif normal pour tout le monde et des abonnements. Les cinémas d'art et essai, c'est aussi une fréquentation irrégulière. Par exemple, l'année dernière, qui était une bonne année pour le cinéma en général, était une année relativement dure pour les cinémas art et essai, et particulièrement pour nous et pour tout le réseau Utopia. À Toulouse, l'ABC s'en est beaucoup mieux sorti, par exemple, mais où nous, on a été en baisse. Donc pour nous, l'année dernière, c'était pas du tout une bonne année. Donc ça dépend de tellement de facteurs. Enfin, en tout cas, en ce moment, le cinéma va bien. Pourquoi ? C'est dur à dire. Alors, les entrées montent aussi, mais le nombre d'écrans monte énormément. Il y a des ouvertures de salles vraiment à tire-larigot depuis 3-4 ans. Donc, il faudrait voir le taux d'occupation de chaque fauteuil, mais il y a beaucoup plus de fauteuils. Donc, c'est à relativiser. Mais voilà, après, le cinéma, c'est toujours comme ça. Ça monte, ça redescend. On avait baissé il y a à peu près 3 ans. Et là, on est en train de remonter. On fait plus de 18 000 entrées. Parce que déjà, nous, notre communication a changé. Voilà, on est allé chercher plus de monde, plus de partenariats. On essaye de toucher les gens par nos propres moyens. Donc, on se déplace aussi. Hugues, qui est à côté de moi, qui est bénévole, se déplace dans toutes les communes pour porter les programmes cinéma. Dans les commerces de Castanet, le marché le mardi, le marché le samedi matin. Et voilà. Et il me cherche les gens pour voir où il est Hugues pour le programme. Il est passé, madame. Puis je communique, je balance des trucs sur le cinéma. Enfin, pour qu'ils viennent, bien sûr. Tout le monde sait que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Dans une petite commune ou en plein centre de la métropole toulousaine, on leur a demandé alors comment ils se démarquent face aux grandes chaînes de cinéma. On essaye d'animer ce cinéma le plus possible avec des films documentaires, des films pour enfants. On essaye de faire un film pour tous, que chacun se retrouve. Alors il y a des films qui ne marchent pas, mais on les met quand même. Pourquoi ? Parce qu'on a un public qui viendra. Rien que pour ces films. On a ciblé des personnes le dimanche soir, le lundi soir. On sait à peu près, en faisant des statistiques, on a pu comprendre qui va venir le jeudi soir ou le jeudi à 17h. Donc on essaye de faire au mieux. On a mis des ciné-goûtés le dimanche matin pour les enfants, qui marchent, suivant les périodes. On a mis en place aussi des ciné-détentes le mardi après-midi, avec des clubs du troisième âge aux alentours. On a fait venir des associations différentes pour participer. On leur fait un tarif à 4 euros avec un goûter. Ça marche. On est content. Tout le monde se retrouve, donc c'est bien. Puisqu'on est quand même aussi un lieu de rencontre. Nous faisons des événements vraiment pas très chers. Des fois, on fait des séances à 3 euros avec des associations comme Sève de Cocagne, comme le Secours Populaire. Mais on fait des films porteurs. On avait fait l'intelligence des arbres avec eux aussi. On a fait deux fois les salles pleines, mais avec des tarifs bas. Mais ça nous permet, en faisant des partenariats associatifs, de faire vivre le cinéma. Ciné-débat, voilà, à thème, mais il faut toujours animer. Si on n'anime pas, c'est pas possible. Voilà. Il faut se démarquer par rapport au Gaumont. Par contre, nous sommes une salle aussi, on se démarque, on n'a pas de confiserie ici. Pourquoi ? Parce qu'on veut que notre public profite du son, et je dis de l'image aussi, parce que quand on entend mastiquer ou quoi que ce soit à côté, on ne peut pas se concentrer et regarder. Donc nous, on a ce privilège-là. Il faut savoir qu'on tourne même avec une personne. On fait le cinéma pour une personne. Là, la séance est programmée, il faut la faire. Et comment se démarque l'américaine cosmographe ? Principalement par la programmation, parce qu'on n'a souvent pas les mêmes films, même s'il y a des films en commun, vu que. Mais là, c'est plutôt Gaumont UGC qui font de plus en plus de ce qu'on appelle la réessai porteur, les gros films à réessai. Donc sur ces films-là, on est en commun. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on se pose tous la question de qu'est-ce qui différencie le cinéma de la télé ou des hommes cinéma à la maison, etc. Et là, où UGC Gaumont ont vraiment joué sur la carte technique. Des grandes salles hyper confortables, la 3D et plein de nouvelles innovations, ils n'arrêtent pas de faire des innovations. Nous, on joue plutôt sur la convivialité, le fait d'être un cinéma à taille humaine, de choisir les films, d'expliquer pourquoi on les a choisis, d'en discuter avec les spectateurs, que ce soit à la caisse, dans les salles. On a un rendez-vous militant maintenant tous les dimanches matins avec plutôt des associations locales. Ça peut être des ciné-concerts, enfin voilà, c'est ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît, et on espère que ça plaira aux spectateurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est la convivialité qui est au cœur de ces cinémas. Mais suffit-elle aujourd'hui face aux géants du streaming comme Netflix ? Alors c'est un peu tôt pour le dire, moi ce que je pense quand même que ça soit pour ce qui se passait plutôt avant, la vidéo, le téléchargement, etc., c'est que voir des films donne envie de voir des films. Peu importe la manière, c'est plutôt une bonne chose. Après sur ces trucs par abonnement, je trouve ça assez inquiétant, parce que là c'est quelque chose qu'on paye en permanence. Enfin on est abonné, pour l'instant ces trucs là c'est pas cher, mais enfin il suffit de voir Netflix, ils sont en déficit chronique et c'est fait exprès, c'est juste pour avoir plein d'abonnés. Les prix vont augmenter, si les gens commencent à payer 20 ou 30 balles par mois pour avoir accès à ça, quand ils vont penser à voir un film un soir, la première chose qu'ils vont regarder c'est ça, pour rentabiliser ce truc là avant même de penser au cinéma, avant même de penser à autre chose, ils vont penser à ça. Si en plus, ce qui est encore le cas de Netflix, qui est quand même l'exemple le plus parlant, ont des contenus exclusifs, ça devient un petit peu inquiétant. Après, de la concurrence vis-à-vis du cinéma, il y en a toujours eu depuis que la télé existe. Il y a eu Internet, il y a eu le téléchargement. Bon, voilà, il faut juste réussir à continuer à proposer quelque chose de différent aux spectateurs. Mais de toute façon, sortir de chez soi et voir un film dans une salle obscure avec du monde autour, ça sera toujours différent que voir un film sur son canapé. Mais bon, voilà, c'est quand même un peu inquiétant. On mise sur la convivialité, sur le fait que le cinéma soit une expérience collective qui fasse sortir de chez soi, et que nous, il y a la petite plus-value qu'on va croiser d'autres gens qui travaillent ici ou qui sont spectateurs ici, qui aiment le cinéma aussi et qui ont envie d'en parler. Voilà, il y a ce truc de partager une passion, enfin en tout cas quelque chose qui nous plaît. Et ça, je pense que vraiment, c'est un truc qui est important. Mais après, on a un peu le nez dans le guidon à faire la programmation, tout ça. Donc réfléchir à long terme comment contrer Netflix, on n'en est pas là encore. Ça serait bien d'y penser d'ailleurs, mais bon. Enfin, on n'a pas d'idée, on n'a pas de grande idée. Pour le Ciné 113, le streaming est en train de tuer le cinéma. S'il peut saigner, on peut le tuer. Les jeunes maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent? Partager quelque chose ensemble? Moi, je vois, j'ai un fils de 20 ans. Hein, donc, je m'aperçois que mon fils, il serait là parce qu'il a envie de voir un film avec les copains et pas spécialement à l'heure qu'on lui impose, etc. Donc, cette facilité de choisir. Alors que quand vous, aujourd'hui, vous allez au même au Gaumont ou chez nous, il y a des heures fixes. Et ces heures-là ne peuvent pas correspondre avec ce qu'ils ont envie de faire. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'à l'époque où même nous, maintenant, des fois, on s'oblige à se dire, eh ben, ce soir, je vais au cinéma. On sort. On va quelque part. C'est une sortie. Et ça, je le vois pas, aujourd'hui. Et ça me dérange. Parce que moi, si je travaille dans l'associatif, c'est justement pour partager, échanger, et essayer de faire un lieu convivial où tout le monde peut s'y retrouver. Pour que les cinémas d'art et essai continuent à vivre, le co-gérant de l'American Cosmographe a une idée. Il y a les séries qui prennent beaucoup de place maintenant. Et c'est vrai qu'on se demande si le cinéma pourrait pas être aussi un lieu où on pourrait diffuser des séries. Donc pour l'instant c'est un truc qui est un peu hermétique, c'est pas des partenaires qu'on connaît, c'est des gens qui traitent avec la télé, mais on se pose la question sur certaines séries d'essayer de tenter quelque chose, d'essayer d'établir des contacts pour voir ce que ça pourrait donner, voilà, petite réflexion. Ça fait un ou deux ans qu'on y pense, on n'a rien fait encore, mais bon, un jour peut-être. Je pense que diffuser une série, par exemple un épisode par semaine et avec tous les fans qui débarquent, voilà, il peut y avoir un truc qui est quand même chouette, quoi. Plutôt que de faire ça chacun chez soi, voilà, c'est toujours le truc de ne pas être chacun chez soi. Le cinéma, c'est ça. Et je pense que les gens, ils auront toujours envie de sortir de chez eux, que ce soit pour aller boire un coup, pour aller manger, pour aller voir un film, quoi. Donc, la première saison de True Detective, ça mériterait d'être vu en salle de cinéma. Il y a des épisodes qui sont vraiment esthétiquement très beaux, quoi. Mais rien n'est fait, ceci dit. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Les petits cinémas toulousains parviennent à s'en sortir malgré la forte concurrence, mais le cinéma en général est menacé depuis l'arrivée d'Internet. Il y avait un producteur qui disait que le cinéma est en crise depuis que le train est entré en gare de La Ciotat, et je trouve que c'est tout à fait vrai. Ouais. Un reportage par Mélina Lecor, avec la participation active de Anthony Piana et Manon Messina pour Campus FM. Merci Mélina, Manon et Anthony. Moi, s'il y avait des séries au cinéma, je crois bien que ça me séduirait, Lou. Ouais, je pense que j'irais aussi. Ouais. Bon, je dis ça, mais je me suis abonnée à Netflix hier. Mélina, t'as choisi un morceau? Oui, un titre de la BO du célèbre Fight Club, le film tant connu, enfin très célèbre, les Pixies, Where Is My Mind, tout de suite sur Campus FM. Yeah. écouter Where Is My Mind par le groupe Pixies sur leur album Suffer Rosa sorti en 1988. Le morceau préféré de Hugues Marley. Non mais j'aime bien hein, ce morceau, c'est juste qu'on l'a beaucoup entendu, c'est tout. Pas dans l'émission. Oui, pas dans l'émission, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Allez Hugues. Et alors est-ce que vous savez ce que ça veut dire en arabe tout tard? Non. Moi je sais que Anna ça veut dire moi, déjà c'est bien. Alors tout tard ça veut dire fraise, donc comme le fruit, mais c'est aussi le nom d'un groupe composé d'un guitariste, d'un bassiste, d'un batteur et d'un saxophoniste. Ils sont souvent plusieurs au chant. Ils sont originaires d'un village situé au chant, bien derrière le micro hein, qu'on soit bien clair. Et ils sont originaires d'un village situé sur le plateau du Golan, région qui se trouve en Syrie mais annexée par Israël depuis 1981. Les habitants payent des taxes à l'État israélien, mais dans les faits, ils n'appartiennent à aucun État, ce qui complique la vie de ces musiciens qui n'ont pas de passeport. Les habitants du Golan sont désignés par le gouvernement d'Israël comme ayant une nationalité non définie. On ne leur accorde que des laissez-passer, d'où le nom de l'album que je vous présente ce soir. Le groupe a cependant tourné en Europe l'été dernier, mais un deuxième guitariste était prévu pour ces dates et malheureusement son visa a été refusé à deux reprises, donc il n'a pas pu se joindre à cette tournée européenne. Leur musique arabe est principalement influencée par celle des Touaregs, appelée aussi Desert Blues. Dans ce qui vient rajouter d'autres couleurs donc aux productions de Toutar, on trouve le reggae, même si là pour le coup je trouve que le mélange fonctionne moins bien. Et donc sur cet album Laissez passer, on traverse différents tempos, différentes ambiances, mais avec toujours cette musique aérée, enivrante, qui fait le charme de ce groupe. Malgré leur situation géopolitique complexe et difficile, le groupe tient à ce que le public qui découvre leur musique en concert garde un souvenir de fête et de joie, et non pas une image de victime, sans pour autant gommer la prise de position du groupe qui s'illustre à travers le titre de leur dernier album, donc Laissez passer. Mais assez parlé, on écoute tout de suite le morceau éponyme de l'album de Toutar. عندي بارود بلا جنسية ولا عندي حدود وإذا تسألني بقول لك بعزف على العود على هوية أنا مش موجود الوتر وشمفة خشبي عندي بارود بلا جنسية ولا عندي حدود وإذا تسألني بقول لك بعزف على العود Laissez passer, l'instant, c'était le groupe Toutard, donc groupe syrien dans l'émission Rien à voir, quoique je vous invite d'ailleurs à regarder des clips, enfin le clip de ce morceau-là qu'on vient d'écouter là, Laissez passer, et également des vidéos de leur live que vous pouvez retrouver sur YouTube. Merci Hugues, tu nous as manqué hein, cette belle voix grave, merci, merci. Suave, musicale. Je fais de mon mieux. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. C'est la magie du direct. La magie du direct. En plus, voilà, il est temps de se quitter et je voulais... C'est presque triste quand tu dis ça sur cette guitare là comme ça. Mais c'est triste. Moi je me sens ému là, tu vois. je tenais à vous souhaiter une très belle année du chien de terre, symbole de la pugnacité et l'ambition, une année de projet et de concrétisation. Hugues, ne me regarde pas avec ses yeux noirs. Moi je suis dragon, je comprends pas. Ah, t'es dragon, super ouais. Signe. Mais moi je suis chien, donc c'est mon année. Moi, c'est la rubrique astrologique de l'émission. Je sais pas ce que ça veut dire pugnace. Je trouve ça très moche comme. Ambition, ça va ? Oui, ça va. Okay. Parce que vendredi, le 16 février 2018, à minuit, des millions de Chinois, de Vietnamiens, d'Asiatiques vivant en Asie, à Taïwan, à Hong Kong, à Macao, à Singapour, en Malaisie, à Brunei, en Indonésie, ou éparpillés dans le monde, vont fêter ce changement. Et même à Toulouse, on fête le nouvel an vietnamien, le Tet. C'est dimanche, le 18 février, au Parc des Expositions, un événement organisé par l'Association des étudiants vietnamiens de Toulouse, l'AEVTL. Et ouais. Un grand merci à vous tous, Mélina, Lou, Hugues, Edgar. Merci à François, à la réalisation technique de l'émission. Et à la préparation du replay que vous pourrez retrouver dès demain sur le Mixcloud de Campus FM ou lundi, ou sur la page Facebook ou Twitter de Rien à voir. Quoique, on se quitte avec l'artiste vietnamienne, justement, Huong Tan. Le titre s'appelle Bakida. Belle soirée sur les ondes de Campus FM. Avec dans quelques instants, oh, un quart d'heure, on est très en avance, le gramophone sur Campus FM. Todos los hombres que le gustan gozar, los siete nombres le invitan a bailar. Todos los hombres que le gustan gozar, los siete nombres le invitan a bailar.